de la vie, oh, de la vie, oh, et quand nous retrouvons sa beauté, un de la vie, oh, de la vie, oh, et quand nous retrouvons sa beauté, n'a pas encore dit un gamme de la vie, mouya, ouais. Na pangeli tenge ndola bimu ya we. Thank you.